L'agence de presse sud-coréenne Yonhap-News du Deux-Corons annonce que la marine américaine envisage d'affecter à sa flotte du Pacifique le mois prochain Illinois, nouveau sous-marin nucléaire d'attaque de série de Virginie. Elle projette de mettre en action à partir de l'année prochaine ce sous-marin armé d'engins d'attaque, dont le missile de croisière Tomahawk. Elle veut recevoir à l'avenir 5 autres sous-marins de type d'Illinois et à partir de 2019, entamer l'entreprise d'augmenter le nombre de tubes de lance-missiles et d'accroître la portée de missiles de ces sous-marins.